Défi sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour, bienvenue dans Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Aujourd'hui, nous allons parler articulation, entraînement et vie professionnelle avec Lola Picard et Adèle Adrian. Allez, c'est parti! Alors bonjour Lola, bonjour Adèle. Aujourd'hui nous sommes là pour parler articulation, entraînement et vie professionnelle, donc entraînement sportif évidemment, notamment avec le travail en horaire décalé, avec le travail de nuit, comment est-ce qu'on arrive à s'entraîner. Donc on va commencer déjà par les présentations, on commence par Lola si tu veux bien. Bonjour, je m'appelle Lola Picard, du coup j'ai 24 ans, je suis infirmière puéricultrice à la maternité de Nancy. Donc infirmière, je te coupe, oui. Infirmière pour les horaires de nuit donc justement. Oui, nuit et jour, moi, j'alterne. Voilà. Donc, je fais 15 jours de jour, 15 jours de nuit. Et du coup, à côté de ça, je suis aussi athlète en saut en hauteur au Nancy Athlétisme Métropole. D'accord. Alors, un petit peu ton palmarès ? Oui. L'année dernière, j'ai fait vice-championne de France au championnat élite en salle et où j'ai fait mon record 1m86. Voilà, donc, 1m86. Oui, là, c'était vraiment... Il passe par-dessus la tête largement. Oui. Et puis, sinon, j'avais fait 2 médailles en espoir. Et puis après, là, cette année, j'ai refait 3e au championnat de France élite. Voilà, donc on est déjà sur du sport de haut niveau. Hein. On est dans le niveau élite. Oui, on essaie. T'es à combien d'entraînements par semaine ? J'en fais 5. J'aimerais en faire plus, mais en fait, je suis vraiment justement contrainte par le travail. Les horaires et le travail. Ouais. D'accord. Quand t'étais étudiante, tu avais plus d'entraînements ? J'en faisais que 5, mais j'étais un peu plus jeune, alors que là, maintenant, j'aimerais en faire plus. En termes d'heures d'entraînement par semaine, t'as à peu près combien ? Du coup, 10. C'est au moins 2 heures par séance. Au moins 2 heures par séance. Voilà. Et donc, ton rythme de travail, c'est 15 jours de nuit et 15 jours de jour. Oui, c'est ça. Mais après, le volume d'heures par semaine est très variable parce que j'ai des grosses semaines à 60 heures travaillées et d'autres où je peux travailler que 24 heures ou encore même des semaines totalement libres. D'accord. Et donc, on est également avec Adèle Adrian. Bonjour, Cécile. L'Adrian, donc. Hein. Alors, licenciée au SMAC. C'est ça me fait toujours rire, ça. Vas-y, développe. Donc, moi, effectivement, maintenant, je suis licenciée au SMAC, donc à Saint-Mihiel. Et on fait donc de la course à pied. Et moi, je prépare essentiellement des 10 km. Hein. 10 km. Donc, plus course hors stade. Oui. Voilà. Un peu moins sur la piste. T'as combien d'entraînements par semaine ? En moyenne, 3. J'aimerais plus, pareil. Mais... Alors, donc Adèle, pareil, athlète hein, et également médecin. Bon, donc, médecin diplômé depuis 2024, depuis peu de temps, on est d'accord ? Exactement. Voilà. Mais remplaçante. Médecin, alors, c'était ma question. Généraliste remplaçante. Pour l'instant, tu n'as pas ton propre cabinet ? Non, pas encore. Donc, tu es tributaire des horaires des cabinets, enfin, des collègues que tu remplaces ? C'est très variable. Disons que c'est mieux de se caler sur leurs horaires, mais souvent j'ai quand même la souplesse de pouvoir ça se discute. Faire les horaires que j'ai envie quand même. Souvent c'est discutable. C'est discutable. Ouais. Est-ce que tu as encore des gardes de nuit ? Non. Donc, alors je t'ai connue étudiante avec des gardes de nuit pour le coup. Voilà. Donc tu sais quand même de quoi tu parles quand on parle de travail de nuit et d'entraînement. Exactement. Voilà. Alors, la première question qui me vient quand on parle de travail de nuit, ça va être au niveau du sommeil. Donc, Adèle, pour le coup, je profite de tes connaissances. Est-ce que tu veux nous rappeler différentes phases de sommeil ? Oui, alors il y a. Donc, le sommeil se déroule en plusieurs cycles. Et dans chaque cycle, il y a une phase de sommeil lent léger, une phase de sommeil lent profond et une phase de sommeil paradoxal. D'accord. Est-ce qu'il y a une phase du sommeil qui est plus réparateur que les autres ? Le sommeil lent profond, effectivement, c'est celui qui est... C'est le plus important. Ouais. Ouais, le sommeil léger, j'imagine que... c'est pour fermer les yeux, quoi. Alors, Lola, est-ce que ta connaissance... alors, physiologiquement, oui, puisque tu as des études scientifiques, je pense aussi, tu les connais, les phases de sommeil. Est-ce que quand tu as pris ton travail en sachant que tu aurais des horaires de nuit, tu t'es renseigné sur les différentes phases et la meilleure façon de gérer ce sommeil ou pas ? Renseigner, je dirais pas trop. Pour l'instant, j'ai la chance de réussir à dormir un peu. Quand je demande à mon corps de dormir, j'arrive à gérer. Tu fermes les yeux, tu dors. Mais j'ai beaucoup de collègues qui disent qu'avec l'âge, ça devient de plus en plus compliqué. Donc pour l'instant, ça va, mais à voir dans les années à venir. Après, c'est vrai que je trouve quand même qu'en travaillant de nuit, on est beaucoup moins à l'écoute de notre corps. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression que je sais plus si je suis fatiguée parce que je suis vraiment fatiguée ou parce que j'ai l'impression d'être fatiguée, mais je suis pas fatiguée, dans le sens où des fois mon corps il voudrait dormir et je j'écoute pas mon corps dans le sens où bah je suis en train de travailler de nuit, donc voilà, donc c'est pas le moment. Donc ouais. En fait, on refoule cette envie de dormir et ce besoin primaire. Et parfois où bah, finalement ça va, et où là je me dis bah non, en fait là il faut faire une sieste de 3 heures parce que cette nuit tu vas travailler 12 heures de nuit, donc il faut assumer la nuit sans dormir. Donc du coup des fois c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être plus du tout à l'écoute de mon corps et d'être juste calquée sur mon emploi du temps de travail finalement. Et du coup, ton corps n'arrive pas à se caler de lui-même. Après, le problème, c'est qu'il y a 2 semaines d'alternance. Il y a une semaine où tu es en horaire normal, on va dire physiologique, et la bascule, en fait, elle est compliquée, la bascule semaine nocturne, semaine diurne. Alors, la bascule, et puis même dans une semaine nocturne, au final, comme je ne travaille pas tous les jours, bah, en fait, les jours de repos, j'ai quand même un rythme diurne. Donc, en fait, même pendant les 15 jours nocturnes, j'ai des moments où je suis quand même sur un rythme standard de jour. Donc, en fait, non, j'ai pas de rythme. T'as pas de rythme. Non, mais c'est vrai. J'ai vraiment plus du tout le rythme de sommeil, alors qu'on sait très bien que c'est conseillé physiologiquement d'avoir, de se coucher à heure fixe et de se lever à heure fixe. Et j'ai pas du tout ça, moi. Adèle, tu te souviens, toi, quand tu faisais tes gardes, si t'avais ce même problème? Ouais, exactement. C'est vrai que c'est pas évident parce que on se lève à horaire décalé. Sur le coup, on sent pas forcément la fatigue, on a envie de se lever, de faire la journée, une journée classique. Mmh. Et en fait, effectivement, pour aller s'entraîner, c'est pas la même forme. Ouais. Et alors, vous entraîniez et entraînez actuellement, plutôt alors, en descendant de garde tout de suite, ou alors vous faites d'abord une sieste et vous vous entraînez après, ou c'est quoi le mieux, c'est comment vous gérez le truc? Alors moi, en sortie de nuit, donc quand je suis de nuit, je finis à 7h du matin. Je l'ai déjà envisagé et en fait, j'en ai discuté un petit peu avec mon entraîneur et tout ça. Mmh. Et on pense que c'est quand même un risque de blessure supplémentaire. Donc moi, souvent, quand je sors de nuit, je dors quand même jusqu'au début d'après-midi et je m'entraîne par la suite. Mais par contre, je m'entraîne le matin avant ma première garde de nuit. Je m'entraîne le matin, je fais la sieste l'après-midi, je travaille toute la nuit, je redors la journée et je me rentraîne l'après-midi. Ah oui, donc faut assumer, quoi, derrière. Oui. Par contre, donc, du coup, tu me dis que tu en as discuté avec ton entraîneur. Oui. Et c'est lui qui t'a donné les conseils, ou c'est vous êtes rendu compte par l'expérience, en fait, de ce qui te convenait le mieux à toi? Non, vraiment, on en a discuté. Lui, il est aussi ostéopathe de formation, ergologue, pardon, je dis n'importe quoi. Mais du coup, non, en vrai, je pense que c'est vraiment risqué de s'entraîner directement après avoir travaillé 12 heures avec la fatigue. Avec la fatigue, t'es moins attentive, il y a plus de risques de blessure. Oui. Adèle, tu confirmes? Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que tu penses, ou est-ce qu'il y a des données scientifiques, que le sommeil nocturne est plus réparateur que le sommeil diurne? Alors là, je ne saurais pas répondre. Tu ne sais pas? Lola, t'en penses quelque chose? Moi, je pense. Non, l'expérience? Je pense parce que même niveau hormonal et tout ça, je pense quand même que notre corps, il est calqué sur un rythme pour dormir la nuit et pas la journée. T'es plus reposé les semaines ou t'es de jour que les semaines de nuit? Bah, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, donc... c'est un peu difficile à dire, parce que moi, par exemple, je sais que j'ai du mal à me lever très tôt, et du coup, quand je suis dans ma semaine de jour, je me lève à 5h30. Du coup, moi, c'est difficile pour moi, mais en soi, je pense que ça, c'est plus personnel, dans le sens où je suis pas forcément quelqu'un de très lève-tôt de base. Alors que toi, Adèle, c'est l'inverse. Toi, je t'ai connue à te lever, sans dévoiler ta vie, mais à te lever à 5h du matin pour faire les marchés. Quoi, donc, ouais. Voilà. Il y a une période où tu dormais très peu, quand même. Effectivement. Mais pareil, je suis un peu comme Lola, en fait. Les semaines où c'est des grosses semaines, que je travaille 4, 5, 6 jours dans la semaine, donc effectivement, il faut trouver du temps pour s'entraîner. Mmh. Et en quittant à 20h les soirs, c'est pas forcément évident de s'entraîner le soir en rentrant. Donc effectivement, je priorise des fois le matin, à partir de 5h30, 6h, pour aller courir. Ouais. Alors, et un autre facteur, quand on s'entraîne le soir, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés d'endormissement? Pas spécialement? De mon côté, ça va, mais effectivement, dans la littérature, c'est décrit dans la littérature, que, vaut mieux éviter les activités sportives assez intenses avant de s'endormir. Avant de s'endormir. Et toi, Lola, qu'est-ce que t'en penses? Quand tu fais quand tu fais le soir, t'arrives à dormir quand même? Ah oui, moi, je suis tellement fatiguée. Tu fermes les yeux, tu dors, toi. C'est ça. Sinon, donc le sommeil ou l'entraînement, est-ce que un des deux a des conséquences sur l'autre? Dans le sens, le travail, évidemment, ça va générer de la fatigue. Est-ce que ça, vous sentez que ça a une certaine conséquence sur votre entraînement? Et inversement, est-ce que une grosse séance ou une grosse compète, vous l'avez déjà ressenti sur la vie professionnelle? Vas-y, Adèle. oui, les courbatures le lendemain de compétition, ouais. Oui, effectivement, un petit peu de fatigue également. Après, je trouve que le travail a plus d'impact sur l'entraînement que les compétitions et les entraînements pourraient avoir d'impact sur le travail. Au niveau de la fatigue, tu ressens plus l'impact de la journée de travail sur l'entraînement que l'inverse. Lola ? Moi, je te rejoins totalement. Je trouve que le travail, enfin la fatigue laissée par le travail, que ce soit même la fatigue physique et mentale, ça joue beaucoup plus sur les séances que l'inverse. Après, je trouve quand même que ce qui est fatigant, c'est des fois les déplacements en compétition. Oui, bah oui. Et du coup, là, forcément, ça impacte sur le travail. Mais sinon, je trouve que bon, les deux sont fatigants, mais je trouve quand même que le travail fatigue plus pour l'entraînement ou même en termes de réactivité. Moi, je vois quand je fais des séances après, justement après avoir travaillé de nuit, j'ai le corps qui est beaucoup plus mou, enfin moins réactif, moins efficace et pas du tout optimal pour la performance. Et alors, comment tu gères justement quand tu es en période pré-compétition, donc tu sais que tu vas avoir des séances assez intensives, il faut que tu t'entraînes parce qu'il y a un objectif derrière. Tu vas avoir du travail, j'imagine que tu piétines, enfin que tu es debout quand même, ça a des conséquences sur les jambes. Pour le sans hauteur, ça sert vaguement, j'imagine. comment tu fais? Tu essayes quand même de reposer les jambes plus ou il n'y a vraiment pas moyen? Je dirais plus dans l'organisation de l'ordre des séances, on essaye de planifier ça de sorte à ce que la séance la plus importante, par exemple la séance technique, ce soit la plus éloignée de la garde de nuit, par exemple. D'accord. Donc celle directement sortie de nuit, ça va être peut-être une séance un peu moins importante, même si elles ont toute leur importance, mais on va dire que ce sera peut-être moins la séance la plus spécifique ou la plus explosive. Donc ton plan d'entraînement prend vraiment en compte ton emploi du temps professionnel, quoi. Oui, vraiment. Adèle, toi, tu t'en occupes ou pas? Enfin, les objectifs sont peut-être moins élevés, du coup, tu as peut-être plus de recul sur l'entraînement sportif. Tu privilégies quoi? Ta vie professionnelle ou sportive? Non, disons que mes entraînements se calquent plutôt sur la vie professionnelle, on va dire. Ouais. Après, moi, je calque essentiellement mes entraînements sur les programmes des coachs. Et donc, eux, ils prévoient un programme en fonction des objectifs un petit peu de tout le monde, hein, donc c'est pas quelque chose d'individualisé. Et donc, en général, j'essaye quand même de me libérer pour faire au moins une séance avec le groupe dans la semaine, et puis après, le reste du temps, je me cale sur leur séance, mais je fais ça de mon côté. De manière individuelle, parce que donc, la différence entre les deux, c'est que Lola, tu as un entraînement plus individuel, c'est un plus petit groupe. En fait, dans mon groupe, on n'est que deux, donc Vous essayez de vous caler, mais dans l'absolu. Et en fait, du coup, on peut vraiment dissocier. Puis on a un recul toutes les deux. On fait quand même de l'athlétisme depuis un certain temps et on sait être autonome. Donc en fait, si jamais on n'a pas besoin de l'autre, je veux dire, voilà, il nous donne la séance. Et si ça colle pas pour le même jour pour toutes les deux, c'est pas grave, on fait toute seule. Alors que, donc, toi, Adèle, c'est un peu plus contraignant dans le sens où c'est un groupe. Du coup, les horaires, ils sont bien précis, quoi. Les horaires sont fixés, il faut arriver à l'heure, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas très souvent mon cas. tu donc, reprends. Il faut savoir s'adapter, ouais, exactement. Mais t'as une certaine liberté pour adapter tes horaires. Enfin, quand tu vas faire un remplacement, est-ce que tu dis, le jeudi, par exemple, moi, le jeudi, je termine pas après 18h parce que j'ai entraînement. Tu le précises au départ ou pas? Souvent, oui. Ou tu t'arranges juste souvent, sans... Souvent, il y a non, un jour précises. Dans la semaine où je dis le mardi ou le jeudi, là, il faut que je quitte à... C'est plutôt 16h, parce que l'entraînement, c'est 17h45, donc être sûr qu'il n'y ait pas de retard, le temps de faire la paperasse, etc., faut prévoir une bonne marge de manœuvre quand même. Alors, donc toi, tu es plus indépendante au niveau de ton travail. Lola, du coup, toi, tu as des chefs, entre guillemets. Est-ce que tu as déjà eu des remarques par rapport à justement cet état de fatigue ou pas, par rapport aux entraînements ou par rapport à tes collègues? Est-ce que pour une compétition, par exemple, tu as déjà demandé à changer d'emploi du temps? Oui, souvent. En fait, je travaille un week-end sur deux, normalement sur le papier. Donc, forcément, en période de compète, c'est compliqué. Donc déjà, je l'ai tout de suite expliqué à ma cadre. Mes collègues aussi sont au courant. Et du coup, soit j'arrive à poser des congés, soit j'arrive à m'organiser avec mes collègues pour échanger. Et je fais un autre week-end quand c'est une période plus calme. Mais globalement, j'ai la chance que j'arrive à avoir quand même la plupart des week-ends que je demande. Et je fais aussi des choix dans les compétitions. Je priorise certaines que je veux vraiment faire par rapport à d'autres. Et là-dessus, c'est vrai que ma cadre est très compréhensive. Elle essaie vraiment de m'arranger au maximum. Oui, et tes collègues, ça se passe bien aussi? Oui, pareil, il y a une bonne solidarité, et puis en soi, on s'arrange, et moi j'ai besoin d'un week-end pour une compétition, d'autres c'est pour autre chose, donc au final... Jamais eu une remarque désobligeante en disant, ou alors, comme tu parlais des déplacements, enfin, on a déjà fait des déplacements, on rentre à 3-4 heures du matin, bon, le lundi c'est un petit peu dur, Ça se voit un petit peu. Oui. Pas de remarques désobligeantes sur ouais, bah, fais un peu attention à ce que tu fais. Ou enfin, ça se voit, faudrait peut-être dormir ou des choses comme ça. On m'a déjà dit que j'avais l'air fatiguée, mais j'ai jamais eu de remarques. C'était pas... Non, c'était vraiment pas malveillant du tout. Ouais. C'était plus, par empathie. Hein, t'as l'air fatiguée, courage. Et toi, Adèle, pareil ? Des remarques des patients, peut-être, qui... Non, par rapport à la fatigue, non, pas forcément. Après, non, par rapport oui, effectivement... au fait de se déplacer de manière... avec des courbatures. Non, ça, ça va. Par contre, effectivement, oui, c'est mal vu de quitter à 16h le cabinet, des fois. Ah, c'est plus... Ah, ça, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Ouais. C'est, ils comprennent pas pourquoi tu t'en vas... Oui, que t'as une vie à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, t'as déjà eu des remarques désobligeantes, du coup ? J'ai pas forcément le souvenir, mais il y a certains regards qui trompent pas. D'accord. Okay. Et t'expliques pourquoi c'est ou pas ? Non. Non, non. Chacun sa vie. Chacun sa vie. C'est bien aussi. Et on va faire une petite pause musicale avec Old Olaf, avec une petite dédicace pour Adèle, fan de café. Allez, c'est parti, le café. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café. Un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas ? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de m'élever. Et tant en avance, et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh mais moi j'ai envie de sauter. Oh je fais tout Paris. Oh et puis je vois un troquet. Oh je commande un déca, mais un café inné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant, un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit, vous avez l'air, s'il vous plaît. Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison, puis je me sers. Devinez. Papa, mon papa, en classe, je suis premier. T'as, mais quoi ? Tu as tenté de me faire chier. Oh, mais qu'il est con, ce gosse. Et en plus, il se met à chialer. Défi Sport sur Fadjet. De retour de Défi Sport avec Lola et Adèle pour parler entraînement et vie professionnelle avec notamment les horaires décalés. Donc on a vu le sommeil, maintenant on va parler un petit peu alimentation dans le sens où bah, quand on dort on mange pas. Donc si on est décalé pour les heures de sommeil, on va être décalé également pour les heures des repas. Alors Lola, je te pose la question tout de suite. Quand la nuit, est-ce que vous mangez ? Oui. Ouais. En fait, on essaye de caler en sorte, parce que c'est vrai que quand on travaille de nuit, on a vite tendance à soit faire plus de repas qu'il n'en faut, soit moins, parce qu'au final, comme on dort en décalé, on saute un repas ou tout ça. Donc, c'est vrai qu'on fait un repas, en tout cas, vers 22h dans la nuit. Ouais. Et moi, je prends mon petit déjeuner aussi le matin avant de dormir. Et comme ça, au final, ensuite, quand je dors la journée, je me lève, je prends un petit encas ou un repas selon l'heure. Et du coup, ça me fait quand même 3 repas dans la journée. Mais la nuit, je trouve qu'on est quand même plus tenté de grignoter. On a plus envie de manger, je trouve, que la journée. Donc, des fois, il faut lutter. Tu confirmes, Adèle ? Oui, je suis là plutôt d'accord. On est complètement déboussolé. Soit on a envie de grignoter tout le temps, soit c'est l'inverse. Et il n'y a plus d'envie de manger. Et effectivement... Faut se forcer. Ouais, faut se forcer parce que sinon, on irait se rendormir après le travail sans avoir mangé, c'est pas forcément très bon, je pense. Ouais. Ouais, bah ça, c'est vrai que je le faisais à une période et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait un repas. Du coup, ça m'en faisait que deux dans la journée, en fait. Donc, au final, c'est pas bien parce que du coup, le corps, après, il stocke tout ce qu'il peut quand on mange, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu quitte au double. Au niveau équilibre alimentaire, du coup, j'imagine que les repas de 22h, c'est pas toi qui le ramènes, tu ramènes pas ta gamelle. Il y a une cantine. Non, c'est vous qui. Non, on est tout le temps dans le service, donc comme on sort pas, on est obligé de ramener nos repas. Donc, d'accord. Au moins, c'est vrai que ça, je peux vraiment gérer. Tu manges ce que tu veux, du coup. Voilà, tu gères ce que tu veux. Adèle, quand t'étais de garde, c'est pareil, c'était vous rameniez ou il y a des plateaux repas ou il y a des choses comme ça? Ça dépend un petit peu des lieux de stage. Ouais. Ça dépend vraiment de l'hôpital en fait. Il y a certains services où il faut ramener effectivement sa gamelle et d'autres où c'est prévu. D'accord. Après, les plateaux repas sont censés être équilibrés? Plus ou moins. Plus ou moins. c'est facile quand même quand tu sors de garde, t'es fatigué, tu sais que tu vas avoir l'entraînement, de penser à préparer justement son repas, un repas équilibré pour la prochaine fois. Donc faut penser aux courses, faut penser au repas équilibré, etc. Comment vous gérez ça? Moi, je cuisine les dimanches soirs et je fais quasiment une ou deux gamelles. Et après, du batch cooking là pour la semaine. Ouais, et après, c'est toujours pareil. C'est pas très varié. Et toi, Lola? C'est ce que j'allais dire. Moi, j'essaye d'anticiper au maximum et sur mes jours de repos, de faire en tout cas au moins mes 2-3 jours à suivre de travail, parce que c'est sûr qu'en rentrant à 19h ou à 20h, on n'a plus du tout envie de cuisiner. Et... Puis les magasins sont fermés pour faire les courses aussi. C'est vrai. Accessoirement. Donc en fait, il faut juste anticiper. Enfin, juste, oui. C'est déjà pas mal quoi. Mais il faut vraiment beaucoup anticiper. Bah oui, et puis c'est vrai que du coup, des fois, on a l'impression que sur les jours de repos, on fait que de préparer les jours de travail. Ah oui, c'est d'accord, un peu ça s'arrête jamais des fois. Oui. C'est une charge de travail en plus. Ouais. Ouais. Il y a des ratés? Vous avez déjà connu des ratés ou en mode non, là, je suis vraiment trop fatiguée, je mangerai ce qui traîne et à se nourrir du distributeur de sucreries Oui, complètement, notamment en rentrant de nuit. Pour peu qu'on n'ait pas mangé le matin et qu'on fasse une bonne sieste et en se levant, après, oui, on pourrait manger n'importe quoi. Ouais. Ouais, moi, j'essaie vraiment de lutter contre ça, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. C'est compliqué. Alors, sieste, c'est vrai que j'en ai oublié d'en parler pendant le sommeil. Sieste, c'est combien de temps jusqu'à combien de temps on peut parler de sieste et à partir de combien de temps? Parce que 3 heures, Lola me dit, je fais une sieste de 3 heures. C'est une sieste encore, 3 heures? Non, c'est un peu plus quand même. C'est un peu plus qu'une sieste, c'est une petite nuit. Ouais, ouais je pense. Après, au final, elle était là pour remplacer la nuit. Alors. Voilà, c'est d'accord. C'est un morceau de nuit. Et oui. Sinon, donc, quand tu travailles de nuit, est-ce que des petites siestes, ça peut aider? Des petites siestes de 20 minutes. On parle tout le temps des siestes de 20 minutes. Est-ce que ça suffit, en fait? Si tu renchaînes sur une nuit, pas forcément. Moi, j'ai du mal quand même avec les siestes de 20 minutes. Ouais. Soit c'est plus et c'est bénéfique pour... Enfin, pour moi, en tout cas. Après, moins, j'arrive pas à avoir une sieste efficace en moins d'une heure. Ouais. Lola? Des siestes de 20 minutes, quand ça? Par exemple, en descendant de nuit, et tu sais que, je sais pas si t'as une obligation dans la journée, non. Oui. Pour moi, c'est impossible. Enfin, après avoir travaillé 12 heures, si je m'endors 20 minutes, on me réveille pas au bout de 20 minutes. c'est mort. Okay, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait... Donc, si je sais que j'ai un truc le matin, je préfère ne pas dormir ou il faut que je dorme au moins 2 heures parce que, après avoir travaillé, je pense que n'importe qui se coucherait le soir et qui se réveille au bout de 20 minutes, on est complètement décalqué. Déphasé, quoi. Ah ouais. D'accord. Donc, on revient à l'alimentation. Sur le est-ce qu'il y a des aliments à privilégier? Donc, justement, parce que la nuit, vous êtes moins exposé à la lumière. Donc, je sais que synthèse de vitamine D, par exemple, va moins y avoir. Est-ce qu'il y a des choses à privilégier quand on travaille de nuit? Je pense qu'il faut garder un petit peu les mêmes règles. Hein, ouais, règles alimentaires de base. Quoi. Une base de protéines, une base de féculents et puis une base de légumes. Hein. C'est ce que vous essayez d'appliquer? C'est ce que vous arrivez à appliquer moi, à chaque repas? Ouais, je sais que j'essaye de mettre des féculents à chaque fois, de jour ou de nuit, parce que de toute façon, sinon j'ai faim. Enfin, clairement, j'ai faim. Non, mais c'est vrai, il faut quand même quelque chose qui tient au ventre. Mais par contre, oui, moi je sais que quand je prépare mes repas, c'est toujours... protéines, un féculent et des légumes. Et alors, un autre sujet, c'est le café. Enfin, le café ou le thé. Est-ce que... Donc, on essaye de se réveiller avec du café et du thé. Est-ce que vous en buvez tous les deux de manière... alors, pas à outrance, mais de manière exagérée par rapport aux doses recommandées pour tenir? Ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui? Alors, par rapport aux doses recommandées, je ne sais pas, mais... oui, moi, non, mais plus de flux... Enfin, alors, je sais même pas. Est-ce que c'est quoi la dose recommandée? Je ne sais pas. La dose à ne pas dépasser? Je sais pas, que un peu de café, je sais que c'est recommandé, mais trop, c'est pas bien non plus. Tu en bois, toi? Pas du tout. Du thé? Non. Même pas? Non. Donc, en fait, moi, je sais que de base, je suis très sucrée. Donc, si je bois du café et que je mette 4 sucres dedans ou du thé pareil, je me dis que ça n'a pas d'intérêt, donc je bois que de l'eau. D'accord. Que de l'eau. Oui, que de l'eau, parce que sinon, au travail, au final, de toute façon, j'ai l'impression que la caféine n'a pas beaucoup d'effet. Après, j'ai jamais essayé d'en boire des litres, mais j'ai pas l'impression qu'un café, ça me stimule non plus vraiment, donc au final, je préfère boire de l'eau. D'accord, t'en bois pas du tout? Non, vraiment pas. Et toi, Adèle, t'as essayé de tenir des fois quelques excès de caféine en se disant, bon, je sors de garde, je vais pas m'en sortir et je vais à l'entraînement, je vais boire un café pour me réveiller? En fait, moi, j'ai systématiquement besoin de ma dose de caféine. D'accord, le matin, voilà, sinon, j'ai mal, c'est l'inverse, crâne. Ok. Donc, ça, c'est alors, primordial. Excuse-moi, sinon, tu as mal au crâne? Ouais, sinon, j'ai mal à la tête. Ouais. D'accord. Ouais, bah alors, parce que les effets... La caféine peut avoir un effet, voilà. Ok, d'accord. Ouais, tout à fait. Et donc oui, j'en bois systématiquement au moins une tasse. Après, j'en bois à distance quand même de l'effort physique, parce que sinon, côté estomac, ça ne suit pas. Alors, c'était ma question suivante. Donc, alors le café, ben, évidemment, ça va avoir des conséquences sur les maux d'estomac, parce que ça favorise les aigreurs. Je pense que pour l'entraînement, ce n'est pas génial. Est-ce que les horaires décalés, en dehors des performances sportives, ça a des conséquences sur l'organisme en règle générale? Bah déjà, ça favorise. Y a plein de maladies chroniques qui sont favorisées par ça. Je sais que nous, on est plus suivis quand on travaille de nuit. Par exemple, pour le risque de cancer du sein, en tant que femme, c'est majoré. D'accord. Et c'est okay. Pour le coup, j'évite de tout regarder parce que c'est hyper anxiogène de voir tout ce que ce dérèglement de fatigue et hormonal, ça crée. Et c'est vraiment favorisant pour plein de maladies diverses et variées. D'accord. Et au niveau entraînement, est-ce qu'il y a des conséquences directes avec un sommeil? Alors, je disais entre le nocturne et le diurne, est-ce qu'il y en a un moins réparateur? Mais est-ce que ça va avoir des conséquences physiologiques sur la production musculaire? Non, est-ce qu'il y a des choses qui se font, de la synthèse biologique qui se fait que pendant le sommeil, qui va être impacté par le manque de sommeil? Probablement. Oui. Oui. Non. Ok, alors nous n'avons pas de données scientifiques. Défi sport sur Fadjet. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci Adèle, merci Lola. Je vous donne rendez-vous le mois prochain dans un nouvel épisode de Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.